Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à ce nouveau rendez-vous de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde, de l'animation, de la recherche et du choix musical avec la complicité de Denis Marchand et Robert Blanchette. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons Maxophone d'Italie, Modern Rock Ensemble d'Ukraine, Steve Hackett d'Angleterre, Steve Rotary d'Angleterre, IT des États-Unis, IQ d'Angleterre, un nouveau cast du Mexique, Illusion de Pologne, Vangelis de la Grèce et Universal Totem Orchestra d'Italie. Alors, on va débuter avec Maxophone qui vient de faire sortir une nouveauté. Maxophone qu'on a connu en 1975 avec un album éponyme. Et il n'y a rien eu depuis, sauf peut-être un album live à Tokyo en 2014, si je me rappelle bien. Alors, ils nous reviennent avec un nouvel album du nom de La Fabbrica del Nuvole. Et on va entendre la pièce Il Mato e l'Aquilone. Et on va tout de suite aller et conclure le premier bloc avec une formation d'Ukraine. C'est un nouveau groupe. Le nom du groupe, c'est Modern Rock Ensemble. C'est un groupe qui gravite autour d'un musicien qui est là depuis les années 70, sauf qu'ils ont un seul album qui est paru en 2016. L'album s'intitule « Touch the Mystery ». Alors, on débute ça avec Maxophone. Parlano con me, vieni qui amore mio, svegliamo la città, siamo il sole in cortile, io e te, che la vita è un volo e io volo più su, per poi ridere senza guardare giù, e se noi siamo liberi, non mi lasciare più. Così dentro ai desideri è come un grande fuoco accendo la luce dei pensieri prendo i suoi colori disegno la mia vita con le dita e la vita si scuote come una campana che con forza e con cuore io suono per ripartire insieme a te come va il tuo rock

last threat, a funeral of hope. What is this? Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de passer au deuxième bloc, on va faire un petit survol de ce qu'on a entendu avant la pause. C'était la formation ukrainienne Modern Rock Ensemble et la pièce titre de leur premier album qui est paru en 2016 et j'ai nommé Touch the Mystery. Et en début de bloc, nous avions Maxophone, le groupe italien, avec un extrait du nouvel album La Fabrica del Nuvole qui est paru en janvier et la pièce s'intitule Il Mato y la Quinone. Alors, on débute le deuxième bloc avec Steve Hackett, qui se passe de présentation et qui vient de faire sortir son probablement 20e ou 22e album studio, ou peut-être le 26e. Et l'album s'intitule The Night Siren, album sur lequel il y a plusieurs dizaines de collaborateurs. Il serait trop long de mentionner les noms, mais je vous invite à visiter le Prog Archives et vous aurez toute l'information concernant cette participation et cette collaboration. Alors, on va entendre un extrait de The Night Siren et la pièce s'intitule 50 Miles from the North Pole. Et ça sera suivi de Steve Rothery. Steve Rothery, qui est le membre fondateur de Marillion en 1979. Et après avoir fait plusieurs compositions, il a décidé de produire en 2014 un album solo. L'album s'intitule The Ghost of Pripyat étant la ville fantôme, conséquence de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Alors, on va voir un extrait de cet album-là. L'extrait s'intitule White Pass. Et on aura en fin de bloc IT, une formation britannique qui existe depuis 1994, mais qui sont assez. Ils se laissent désirer parce qu'ils en sont rendus seulement à leur 5e album. Qui est paru là, il y a quelques semaines. L'album s'intitule « We're All in This Together ». Alors, on débute ça avec Steve Hackett. Shimmering in

been feeling kinda empty, feeling kinda flat, trying to write new memories, trying to turn it back. Écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Oh, avant de débuter avec IQ, la formation britannique, on va faire un petit retour sur ce qu'on a entendu avant la pause. C'était IT, formation britannique avec la pièce The Path of Least Resistance, et c'est extrait de leur nouvel album, le cinquième album studio qui est paru il y a quelques semaines, et l'album s'intitule We're All in This Together. Et auparavant, nous avions une demande spéciale de notre fidèle collaborateur Denis Marchand qui nous propose Steve Rothery, le fondateur de Marillion, qui a fait un album solo en 2014. L'album s'intitule The Ghost of Pripyat et la pièce White Pass. Et en début de bloc, nous avions une nouveauté de Steve Hackett, l'extrait 50 Miles from the North Pole. Ça, c'est extrait de The Night Siren qui est paru il y a quelques jours seulement. Alors, on va débuter avec IQ qui, j'ouvre une petite parenthèse, était en spectacle à Québec ce dernier samedi. Et le spectacle a été, bien entendu, à la hauteur de leur réputation. On a juste à regarder les témoignages sur Facebook pour se rendre compte qu'on a manqué quelque chose. Et j'ai inclus moi-même parce que j'avais un conflit d'horaire. Par contre, j'ai déjà vu le spectacle il y a un an et demi, deux ans. En fait, deux ans, en avril 2015, et c'était entre autres The Road of Bones qui était présenté. Alors, on aura un extrait de l'album Frequency, et c'est The Province of the King, et on va conclure avec une nouveauté du Mexique. Le groupe n'est pas nouveau, c'est Cast, je pense qu'il est rendu à une vingtaine d'albums studio. Et cet album-là, ben, c'est Power and Outcome, c'est paru il y a quelques jours. Et la pièce, c'est Rules of the Desert. Alors, on débute avec IQ. the veil was lifted and brought to light the facts. The whole deception was complete. The sons of fathers buried their unconnecting tracks beneath the layers of deceit. Another place and time we'd have known. We would have seen the last of the lonely. A beast of burden heard in the tangle of the wire. It's gone like it was never there. The great colossus rises and crackles under fire. The static charges in the air. In other realms of reality, my imitation heart will defend me to make secure what you. Everyone. There's no one there. Thank you. it always does. Then Savior, save yourself. How am I amazed? How is it still concealed? I cannot count the many ways, because there's nothing real. What ransom do you bring before the wireless king? We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission, mais avant de débuter avec Illusion, on va aller du côté du troisième bloc. Et avant la pause, nous avions entendu la formation mexicaine Cast et un extrait de Power and Outcome, en fait, dernier album qui est paru la semaine dernière. Et on a entendu Rules of the Desert. Et en début de bloc, nous avions IQ et la pièce Frequency. Ça, c'est-à-dire l'album est Frequency. La pièce, c'est The Promise of the King. Frequency, qui est l'avant-dernier album du groupe qui est paru en 2009, avant l'album double là, de The Road of Bones. Alors, on débute ça avec le quatrième bloc, avec Illusion, qui est une formation polonaise qui ont produit leur dernier album en 2009. L'album s'intitule Silent Andromeda. Et on va entendre un extrait qui s'intitule, juste une petite seconde, Dark Electron. Et ça sera suivi avec un petit mix de sonorités qui se ressemblent, de Vangelis et la pièce Spiral. Ça, c'est Vangelis qui était de la formation Aphrodite Childs avec Demis Roussos là, dans les années 70. Et Spiral, l'album Spiral se trouve à être le 11e album studio en solo de Vangelis Papathanasiou. Et on va conclure avec Universal Totem Orchestra. C'est un groupe italien qu'on a entendu, dont on a entendu deux extraits la semaine dernière et la semaine précédente. Deux extraits de l'album de Mathematical Mother. Et là, on va faire un petit retour dans le passé en 2008 avec un extrait de l'album de Magus. C'est le deuxième album du groupe. J'ai peut-être oublié de mentionner que Mathematical Mother était le troisième. Alors, on va entendre un extrait de Magus qui s'intitule Vento Madre. Alors, on débute ça avec Illusion. Never gonna give up, I never cher la beauté. Prima di me, dopo di me, era salvo prima di me, prima di me, dopo di me, la natura prima di me, dopo di me, salva! Thank you. Alors, c'était Universal Totem Orchestra d'Italie avec la pièce Vento Madre. Ça, c'est extrait de Magus. C'est un album qui est paru en 2008. Le style de musique que vous venez d'entendre, ça s'appelle du Zeul, Z-E-U-H-L. C'est un genre musical qui a été inventé par Magma dans les années 70. Magma, qui, soit dit en passant, sera à Montréal au mois d'août. Ceux qui sont intéressés, consultez la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Vous aurez droit aux informations concernant la liste des spectacles qui s'annoncent d'ici à la fin de l'été. On a aussi quelques petites programmations prévues à l'automne comme Roger Waters et Pendragon, entre autres. Pendragon qui sera à Québec. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 155e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches matins de 10h à midi et les mercredis de 11h à 13h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. De plus, l'émission est disponible sur Internet via SoundCloud. Et ceux qui désirent écouter l'émission de la semaine courante, vous n'avez qu'à taper Rock de Neurones dans la barre de recherche de SoundCloud. Et si vous désirez aussi connaître les détails exacts concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de Neurones, bien entendu. Et de plus, sur cette page, vous aurez un lien qui vous amènera à près de 80 émissions archivées. Alors ça met fin à, comme je disais, à la programmation. Et c'est Jimmy Farley qui vous invite à passer une belle semaine et à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.